Chapitre 5. La prisonnière des Dakotas. Les Dakotas avaient établi leur camp sur la rive gazonnée d'un affluent de la Platte. Ils avaient adroitement profité de tous les accidents de terrain pour établir leurs wigwams. Chaque bosquet avait été mis à contribution pour abriter une tente ou faciliter l'installation des ustensiles de ménage. Les feux du matin commençaient à s'allumer. Les femmes s'occupaient de préparer la nourriture pendant que les guerriers peints de couleurs éclatantes fumaient en silence, dans une attitude contemplative. Les enfants demi-nus se roulaient sur le gazon ou bien sautaient dans l'eau comme de petits phoques dans des accès de gaieté sauvage. Autour du camp, des chiens maigres affamés rongeaient les os abandonnés et volaient ce qu'ils pouvaient, poussant des glapissements aigus lorsqu'une correction inattendue venait punir leurs méfaits. Dans une enceinte soigneusement gardée, les chevaux broutaient l'herbe verdoyante ou les feuilles naissantes. Quelques sentinelles faisaient le guet, invisibles et silencieuses, au pied d'un arbre noir dont les teintes sombres s'harmonisaient avec celles de leur corps bronzé. On pouvait voir çà et là, traversant les fourrés, des chasseurs qui rapportaient leur gibier, l'unique espoir des festins de la journée. Les cabanes formaient un grand cercle au centre duquel s'élevait une tente plus élevée et plus ornée qui commandait non seulement le camp, mais les environs. Cette tente décorée richement était couverte de peaux de buffle, peintes, qui descendaient jusqu'à terre. Tout autour de cette tente régnait l'ombre et le silence. Aucun mouvement, aucun bruit n'annonçait qu'elle fût habitée. Aucune fumée en sortait. Nul enfant ne jouait autour. Nul sentier même ne se hasardait à y mener. On aurait dit l'habitation de la mort. L'aigle noir, en revenant de son nocturne rendez-vous, ne rentra pas au camp avec sa pompe accoutumée. Il se glissa au contraire entre les tentes, comme s'il eût tenu à passer inaperçu. Effectivement inquiet sur l'issue de la négociation secrète qu'il venait de conclure, et où il devait jouer le rôle de traître, le chef Dakota cherchait à tenir cachées ses démarches nocturnes. En outre, il ne savait où mettre l'or qu'il avait reçu et qu'il ne voulait partager avec personne. Son premier soin avait été de chercher quelques cachettes impénétrables pour y déposer son trésor. Pour cela, il avait pensé à l'enfoncer dans la fente d'un rocher surplombant la rivière dans le canyon du Diable. Le lieu ne lui avait pas paru assez sûr. Il avait ensuite songé à l'enfouir dans le lit de la rivière, mais craignant quelque accident imprévu et ne pouvant se décider à se séparer de ses chères richesses, il les avait gardées sur lui et venait farouchement les cacher dans sa tente. Entrant donc chez lui, avec toutes sortes de précautions sauvages, il s'assura hâtivement de n'être vu par personne et creusa sous son lit un trou profond où il enfouit son sac de dollars. Cela fait, il effaça méticuleusement jusqu'au moindre vestige de sa cachette et sortit. Sans parler à personne, il se dirigea vers la tente dont nous avons dépeint l'aspect morne et solitaire, souleva une des peaux qui cachait la porte et y entra brusquement. Son arrivée fut saluée par un cri de terreur que poussa la malheureuse Esther Morse, prisonnière depuis la veille. Comme une gazelle surprise au gîte, elle s'élança jusqu'à l'extrémité la plus reculée du wigwam et s'y tint blottie, toute tremblante, regardant le sauvage avec des yeux dilatés par la terreur. L'aigle noir jeta sur elle un regard de triomphe. La fille des Fasse-Pas a reçu le sourire du Manitou des songes? Les flots d'un sommeil léger ont bercé ses oreilles? Demanda-t-il en donnant à sa voix basse et gutturale des intonations douces et caressantes. « Pourquoi suis-je ici prisonnière? Dites-moi pourquoi l'on m'a si cruellement arrachée à mon père? » s'écria-t-elle avec exaltation. « Avez-vous bien eu le cœur de reconnaître ainsi ses bontés? Souvenez-vous de Laramie. N'avons-nous pas été pour vous meilleurs que vos propres frères? Fasse-Pas, vos paroles charment les oreilles d'aigle noir comme le chant d'un oiseau printanier. » Son cœur les boit avidement, comme la terre altérée boit une pluie d'été. Parlez encore. Vous êtes un homme cruel et rusé, vous éludez ma question. Dites-moi, je vous en supplie, dans quel but j'ai été enlevé, emprisonné? Voulez-vous de l'or? Mon père, pour me revoir, en remplira vos mains. La poudre jaune du vieux chef des visages pâles sera tôt ou tard entassée dans les wigwams des Dakotas. Que voulez-vous dire, homme des bois, si toutefois vous êtes une créature humaine? Quelle terrible signification ont vos paroles? les Dakotas sont maîtres de la prairie. Quand le mocassin de leur ennemi a laissé une trace dans leur sentier, les guerriers rouges prennent leur vol comme des oiseaux de proie. L'étranger leur a dérobé leurs terres, leurs chasses, leurs pêches. Le daim et le buffle ont fui bien loin, effrayés par le tonnerre et l'éclair de ses armes. L'homme rouge a faim, l'ennemi est dans l'abondance. L'homme rouge poursuit en vain les chevaux sauvages. L'ennemi en possède par troupeau. Les enfants de l'homme rouge pleurent pour avoir du lait. Ceux de l'ennemi en ont à répandre par terre. C'est pourquoi, après avoir bassement enlevé la fille, vous préparez à dépouiller le père ? Que la jeune femme au teint de neige veuille prêter l'oreille. Les paroles du guerrier seront courtes. Sa langue n'est pas babillarde comme celle des enfants, ou celle d'une vieille femme ayant compté 100 hivers. L'aigle des Dakotas a aperçu une jeune colombe dans sa vallée. Il a fondu sur elle et l'a emportée au vol de ses fortes ailes jusqu'à son nid. Elle pleure maintenant et se couvre la figure de ses mains. Mais pourquoi avez-vous agi ainsi, puisque ce n'est pas de l'or que vous voulez ? Lorsqu'un doux regard du soleil pénètre dans le wigwam des visages pâles, cherche-t-il à le chasser ? Lorsqu'un sourire du ciel bleu passe au travers des nuages sombres, les visages pâles tendent-ils un voile pour ne pas l'apercevoir ? L'homme rouge n'est pas fou, il a des yeux, il sait voir. Pourquoi parlez-vous en énigmes ? Faites-vous donc comprendre si vous voulez que je réponde. La fille du chef aux longues carabines viendra habiter le wigwam d'Aigle Noir. Depuis qu'il l'a vue, son cœur est dégoûté des bruns visages de sa tribu. Quand il reviendra d'une longue piste, les pieds meurtris, les membres fatigués, la présence de la jeune femme au blanc visage réjouira le guerrier. Je ne vous comprends pas encore, vos paroles sont aussi mystérieuses que vos actions sont cruelles, répondit Esther, dont le visage devint d'une pâleur mortelle. Aigle Noir voudrait avoir pour femme une face pâle, qui apprêtera ses repas et lui tressera un manteau avec ses chevelures scalpées. Moi, votre femme ? Ciel miséricordieux, vous n'y songez pas ? La langue de la fille pâle est douce, sa chevelure ressemble aux filaments soyeux du maïs bruni par la lune des feuilles tombantes. Elle est dans le droit chemin. Sa maison sera celle de l'homme rouge. Aigle Noir a dit. Jamais, je mourrai plutôt. L'esprit aux ailes noires qui plane sur la rivière sombre ne vient pas toutes les fois qu'on l'appelle. Pendant bien des années encore, la femme d'Aigle Noir promènera dans la prairie son léger mocassin. Votre femme, c'est le faucon blanc. Wopi sera la servante de la nouvelle femme. Elle est sortie du cœur du guerrier. Oh mon Dieu, tous les maux, plutôt qu'un tel sort, juste ciel. Suis-je donc réservé à cet affreux malheur ? La colombe frappe vainement sa poitrine au barreau de sa cage. Elle roucoule et son chant sert de signal à son compagnon. Alors son aile frémissante la ramène vers elle. Moi, votre femme, moi, habiter votre wigwam ? Écoutez-moi, monstre sauvage. Plutôt que de subir de tels outrages, je me jetterai dans un précipice et mon corps se brisera en atomes sur les rochers. Je me précipiterai dans la rivière. Je me déchirerai de mes propres mains. Mon Dieu, pardonnez-moi ces funestes paroles. » Sans daigner répondre à ces douloureuses exclamations, qu'il n'avait pas même écoutées, l'Indien fit entendre un sifflement long et aigu. Sur le champ, la malheureuse délaissée, Wopi, entra tremblante, en proie à une mortelle terreur. Son maître lui donna, en langue indienne, des ordres qu'Esther ne put comprendre. Sans avoir levé les yeux, Wopi disparut. Que la fille des hommes blancs se prépare, la médecine, corporation savante et religieuse, de la tribu dispose tout pour un mariage chez les Dakotas. Les femmes amassent des fleurs, les guerriers prennent leurs plus beaux vêtements. Leur approche, le wigwam des Sachem, ouvrira sa porte à la nouvelle mariée. Oh, méchant homme, votre cœur ne connaît donc ni la pitié ni la crainte. Un sifflement, un signal apparemment, retentit au dehors. Aussitôt l'Indien parut troublé, et sans répondre, s'élança hors du wigwam. Au même instant, une forme humaine entra par le côté opposé. « Wopi !» s'écria Esther en se jetant à ses pieds. « Sauvez-moi ! Souvenez-vous de mon père ! Pour l'amour du ciel, sauvez-moi !» La jeune Indienne posa silencieusement son doigt sur la bouche et embrassa la robe d'Esther. D'un mouvement rapide, elle tira de ses vêtements un couteau long et effilé qu'elle remit aux mains de la prisonnière, puis disparut soudainement. « Ah, merci, Wopi !» murmura Esther, le cœur gonflé. « J'en ferai usage, merci !» En entendant des pas approcher, elle cacha promptement le couteau dans son sein, recula jusqu'au fond de la tente et s'y tint immobile et froide, attendant le moment suprême. C'était seulement une jeune fille Dakota apportant de la nourriture. Dans son désespoir, Esther essaya de la questionner. Mais l'enfant demeura immobile et muette devant elle, les yeux baissés vers la terre. Elle déposa sur une natte, au milieu du wigwam, du grain grossièrement apprêté dans un plat d'écorce de bouleau, et s'en alla sans avoir prononcé une parole. Tourmentée d'horribles craintes, Esther n'osa toucher à ce qu'on venait de lui apporter. Et elle tira son couteau et le serra dans sa main, toute prête à s'en servir pour se défendre ou se tuer. « Et pourquoi n'en ferais-je pas usage de suite avant que personne ne vienne ?» se demanda-t-elle avec un sombre désespoir. « Quelques gouttes de mon sang jailliront et je serai sauvée. Oh, mais que deviendra mon âme en ces régions sombres et inconnues de la mort ? Mon âme que le Seigneur n'aura pas appelée à lui ? Non, je ne commettrai pas un crime, même pour me soustraire à cette terrible situation. Je remets entre vos mains, mon Dieu, cette existence que vous m'ordonnez de conserver. » Le contact d'une main légère la fit tressaillir. Elle cacha son couteau, Wopi était près d'elle. « Que la fille des Fastpals se rassure. Aigle Noir est à la poursuite des ennemis. Un grand tourbillon de poussière est apparu dans le lointain. Les guerriers sont partis en armes. Mangez en paix. Il ne reviendra qu'après le soleil couché. » Le courage revint un peu à la pauvre Esther. Elle se jeta au cou de la jeune indienne et la dévora de baisers en versant un torrent de larmes. Une heure après, montée sur un cheval demi-privé, ayant deux guerriers rouges à ses côtés, elle galopait rapidement vers le canyon plein de rochers, connu sous le nom de Passage du Sud.